senti, c'est ou même que moi t'ai choisi. Ou son belle mélodie qui fait me sentir mon paradis. Tant pis, tant pis, ou t'es mon l'enfredi. Tant pis, fais mon cadeau, petit souris. C'est pas pour d'adieu, ma fille chanter pour. Entraille moi chérie. Tant pis, tant pis, ou t'es moi dans la vie. Oh, tant pis, vine bon moi la vie. C'est pas pour d'adieu, ma fille chante pour vous. C'est pas pour d'adieu, ma fille rêve de. Bagou l'argent, même gombel, sentiment, éclairé con diamant, mais pas quitter forcément, ou mettre quoi m'sincèrement, l'amour ça l'a longtemps. Wow, wow, wow, yeah. C'est pas pour d'adieu, ma fille chante pour. C'est pas pour d'adieu. chérie, ma petite.